cramé, tu aimes rôder derrière les voitures brûlées. Ton lombriquet en sautoir, des mèches autour des poignets. Quand les braises rougeoient ton corps derrière les voitures brûlées, tu danses au milieu des corps fantastiques. La cramée lorsque tu passes dans le dos des émeutiers. Qui sait quelles idées tu glisses dans leur crâne agité. Des recettes aux étincelles, des flamèches encore plus belles. Des ardeurs toujours plus folles à jeter dans le brasier. Derrière les voitures brûlées, tu te souviens, tu l'as cramé. Comme des soleils enragés, on voyait les flammes danser. Derrière les voitures brûlées, tu te souviens, tu l'as cramé. Comme des soleils enragés, t'en souviens-tu? La cramée t'es vraiment barge et ce soir je te suivrai. Je serai dans ton sillage des sensés de...